Chapitre 7e, après une année. La première année du veuvage de George Talboys était écoulée. Le large crêpe de son chapeau était devenu jaunâtre et fané, et comme les rayons d'un jour d'un autre mois d'août s'éteignaient. Il était assis et fumait dans les chambres paisibles de Fig Tree Court, absolument comme il l'avait fait l'année d'avant, quand l'horreur de son infortune était encore récente et que chaque objet, insignifiant ou important, semblait saturé de son propre chagrin. L'ex-dragon avait survécu 12 mois à son affliction, et quelque pénible que ce soit à dire, il n'avait pas une très mauvaise apparence malgré sa douleur. Le ciel seul connaissait le profond changement opéré en lui par cette amère déception. Le ciel seul connaissait quelles angoisses désolantes de remords et de reproches n'avaient pas torturé le cœur honnête de George pendant qu'il passait les nuits sans sommeil, pensant à sa femme qu'il avait abandonnée pour aller à la poursuite d'une fortune qu'il n'avait jamais pu partager pendant sa vie. Une fois, lorsqu'ils étaient à l'étranger, Robert Dudley s'était hasardé à le féliciter sur le rétablissement de son esprit. Il avait éclaté en un rire amer. « Ne savez-vous pas, Bob, dit-il, que lorsque quelques-uns de nos camarades sont blessés dans l'Inde, ils reviennent chez eux avec des balles dans le corps ? Ils n'en parlent pas. Ils sont solides et dispos. Et ils ont peut-être aussi bonne figure que vous et moi. Mais chaque changement de température, même léger, chaque variation de l'atmosphère, même insignifiante, ramène les anciennes douleurs de leurs blessures aussi vives qu'ils les sentirent jamais sur le champ de bataille. J'ai ma blessure, Bob. Je porte aussi ma balle, et je la porterai jusque dans mon cercueil. » Les voyageurs revinrent de Saint-Pétersbourg au printemps, et George reprit ses quartiers dans les chambres de son vieil ami, les quittant seulement de temps en temps pour courir à Southampton et jeter un coup d'œil sur son petit garçon. Il arrivait toujours chargé de jouets et de friandises pour l'enfant. Mais malgré tous ses présents, George ne devenait pas très familier avec son papa, et le cœur du jeune homme se brisait, en commençant à craindre que même son enfant ne fût perdu pour lui. « Que puis-je faire ? » pensait-il. « Si je le sépare de son père, je lui ferai du chagrin. Si je le laisse, il grandira comme un véritable étranger pour moi. » Il se souciera plus de ce vieil hypocrite d'ivrogne que de son propre père. Mais encore, que pourrait faire d'un tel enfant ? Un ignorant et un épais dragon comme moi. Pourrais-je lui enseigner autre chose qu'à fumer des cigares et à flâner tout le long du jour les mains dans les poches ? Le jour anniversaire de ce 30 août, où George avait vu l'annonce de la mort de sa femme dans le Times, était revenu pour la première fois, et le jeune homme ôta ses habits noirs et le crêpe fané de son chapeau, et posa ses vêtements de deuil dans une malle dans laquelle il gardait un paquet des lettres de sa femme et cette mèche de cheveux qui avait été coupée sur sa tête après sa mort. Robert Dudley n'avait jamais vu ni les lettres, ni la langue très soyeuse, et George, en vérité, n'avait jamais prononcé le nom de sa femme morte depuis ce jour où il avait appris à Ventnor tous les détails de sa maladie. « J'écrirai aujourd'hui à ma cousine Alicia, George, dit le jeune avocat, ce même 30 août. Ne savez-vous pas qu'après-demain est le 1er septembre ? Je lui écrirai pour lui dire que nous irons tous les deux au château pendant une semaine pour chasser. Non, non, Bob, allez-y seul. Ils n'ont pas besoin de moi. Et je serai mieux enseveli tout seul dans Fig Tree Court, sans autre compagnon que mes chiens et mes canaris. Non, George, vous ne ferez pas une pareille chose. Mais je ne me soucie pas de chasser. Et supposez-vous que je m'en soucie beaucoup ? S'écria Robert avec une charmante naïveté. « Quoi, mon brave, je ne distingue pas un perdreau d'un pigeon. Et ce pourrait bien être le 1er avril au lieu du 1er septembre, pour ce que j'en ai à faire. Je n'ai jamais blessé un oiseau de ma vie, mais seulement endommagé mes propres épaules avec le poids de mon fusil. Je ne veux faire une descente dans l'Essex que pour changer d'air, les bons dîners et la vue de la respectable figure de mon digne oncle. Cette fois, en outre, j'ai un autre motif d'attraction. C'est celui de voir ce modèle de belle chevelure, ma nouvelle tante. « Viendrez-vous avec moi, George ?»« Oui, si réellement vous le désirez. » Le caractère calme qu'avait pris son chagrin après sa primitive et courte violence l'avait laissé aussi soumis qu'un enfant aux volontés de son ami. Prêt à aller partout où il voudrait et à faire tout ce qu'il voudrait, ne cherchant pas le plaisir, n'en faisant jamais naître l'occasion, mais participant au divertissement des autres avec un abattement, un flegme, une silencieuse et paisible résignation particulière à sa simple nature. Cependant, le retour de la poste apporta une lettre d'Alicia Audley qui annonçait que les deux jeunes gens ne pouvaient être reçus au château. « Il y a 17 chambres à coucher vacantes, écrivait la jeune Miss, en caractère tracé d'une main indignée. « Et malgré tout cela, mon cher Robert, vous ne pouvez venir car Milady a mis dans sa stupide tête qu'elle est trop souffrante pour recevoir des visites. Elle n'est pas plus souffrante que moi. Et qu'elle ne peut avoir dans sa maison des gentlemen. Elle dit des grandes brutes d'hommes. Daignez faire des excuses à votre jeune ami, M. Talboys, et lui dire que papa espère le voir avec vous pendant la saison de la chasse. » Malgré tout, les fantaisies et les airs de Milady ne nous interdiront pas les sexes, dit Robert en tournant la lettre pour allumer sa grosse pipe en écume de mer. Voici ce que nous allons faire, George. Il y a à Audley une excellente auberge et quantité d'endroits pour pêcher dans le voisinage. Nous allons y aller et nous procurer une semaine d'amusement. La pêche est bien plus agréable que la chasse. Vous n'avez qu'à rester allongé sur le rivage et à regarder votre ligne. On ne prend pas souvent quelque chose, mais c'est très amusant. Il approcha, en parlant, la lettre tordue de quelques faibles étincelles qui brillaient dans la grille du foyer, et changeant bientôt d'idée, il se mit résolument à dérouler et à lisser avec sa main le papier froissé. « Pauvre petite Alicia, » dit-il d'un air pensif, « il est vraiment cruel de traiter cette lettre aussi cavalièrement. Je veux garder celle-ci. » Et sur ce, M. Robert Audley replaça la lettre dans son enveloppe et la jeta ensuite dans une case du bureau de son cabinet étiquetée « Important ». Dieu sait les merveilleux documents qui étaient dans cette case particulière, mais je ne pense pas qu'elle eût jamais renfermé positivement quelques pièces d'une grande valeur judiciaire. Si quelqu'un avait dit en ce moment au jeune avocat qu'une chose aussi simple que la courte lettre de sa cousine était destinée à devenir un jour un des anneaux du terrible enchaînement de preuves qui devait être plus tard lentement reconstruit et former le seul cas criminel dans lequel il dut jamais être intéressé, M. Robert Audley aurait peut-être relevé ses sourcils un peu plus haut que d'habitude. Les deux jeunes gens quittèrent donc Londres, le lendemain, avec un porte-manteau et tout un attirail de pêche, et ils arrivèrent au village écarté d'Audley, avec ses constructions anciennes et presque ruinées, assez à temps pour commander un bon dîner à l'auberge du Soleil. Le château d'Audley était environ à 3/4 de mile du village, situé, comme je l'ai dit, dans un bas-fond, encaissé dans un cercle de bois de haute futaie. On ne pouvait y arriver que par un chemin de traverse bordé d'arbres et aussi bien entretenu que les avenues d'un parc princier. C'était une assez triste résidence, même dans toute sa beauté rustique, pour une créature aussi brillante que la ci-devant Miss Lucy Graham. Mais le généreux baronnet avait transformé l'intérieur du vieux manoir grisâtre en un petit palais pour sa jeune femme, et Lady Audley paraissait aussi heureuse qu'un enfant entouré de jouets nouveaux et précieux. Dans sa bonne fortune, comme dans ses anciens jours de dépendance, elle semblait apporter avec elle la lumière et la joie. En dépit du dédain non déguisé de Miss Alicia pour la frivolité et l'humeur enfantine de sa belle-mère, Lucie était beaucoup plus aimée et plus admirée que la fille du baronnet. Cette humeur enfantine avait vraiment un charme auquel peu de gens pouvaient résister. L'innocence et la candeur de l'enfance brillaient sur le beau visage de Lady Audley et éclataient dans ses grands yeux bleus si limpides. Ses lèvres roses, son nez exquis, la profusion de ses belles boucles, tout contribuait à conserver à sa beauté le caractère d'une extrême jeunesse et d'une première fraîcheur. Elle avouait 20 ans, mais il était difficile de lui en donner plus de 17. Sa taille frêle, qu'elle se plaisait à enfermer dans des robes de velours épais et de fortes soieries, la faisait ressembler à un enfant attifé pour une mascarade. Elle avait l'air d'une jeune fille qui vient seulement de quitter la chambre des enfants. Tous ses amusements étaient puérils. Elle détestait la lecture et toute étude d'un genre quelconque et aimait la société. Plutôt que de rester seule, elle préférait admettre Phoebe Marx dans son intimité, puis, étendue nonchalamment sur un des sofas de son luxueux cabinet de toilette, discuter une nouvelle parure pour quelque prochain dîner, ou jacasser avec la jeune fille, son écrin de bijoux devant elle, en étalant les présents de Sir Michael sur ses genoux, pendant qu'elle comptait et admirait ses trésors. Elle avait paru à quelques bals publics à Chelmsford et à Colchester, y avait été immédiatement proclamée la beauté du comté. Heureuse de sa position élevée et de sa magnifique demeure, voyant chacun de ses caprices satisfaits, chacune de ses fantaisies réalisées, adorée follement de son généreux époux, dotée d'une très belle pension pour ses menues dépenses, n'ayant aucun parent pauvre pour la tourmenter et réclamer l'aide de sa bourse ou de sa protection, il eût été difficile de trouver dans le comté d'Essex une créature plus fortunée que Lucy, Lady Audley. Les deux jeunes gens flânèrent à table dans une salle particulière de l'auberge du Soleil. Les fenêtres étaient toutes grandes ouvertes, et l'air frais de la campagne pénétrait jusqu'à eux pendant qu'ils dînaient. Le temps était délicieux. Le feuillage des bois montrait çà et là les nuances affaiblies des dernières teintes de l'automne. Les épis jaunes, encore debout dans quelques champs, tombaient dans d'autres sous les faucilles étincelantes, pendant que l'on rencontrait dans les sentiers étroits de grands chariots traînés par des chevaux d'attelage au large poitrail, transportant dans les fermes la moisson dorée. Pour qui est resté pendant les mois brûlants d'été, claquemuré dans Londres, il y a dans la première saveur de la vie des champs une espèce d'enthousiasme voluptueux difficile à décrire. George Talboys éprouva cette sensation délicieuse, et avec elle, quelque chose voisin du plaisir qu'il n'avait jamais senti depuis la mort de sa femme. L'horloge sonna 5 heures comme il finissait de dîner. « Prenez votre chapeau, George, » dit Robert Audley. « On ne dîne pas avant 7 heures au château. Nous aurons le temps de descendre jusque-là et de voir la vieille demeure et ses habitants. » L'hôtelier, qui était entré dans la chambre avec une bouteille de vin, leva les yeux en entendant les paroles du jeune homme. « Je vous demande pardon, monsieur Audley, » dit-il. « Mais si vous voulez voir votre oncle, vous perdrez votre temps en ce moment. Sir Michael, Milady et Miss Alicia sont tous partis pour les cours de Chorley, et ils ne pourront être de retour qu'à la nuit, vers 8 heures très probablement. Ils doivent passer par ici pour rentrer chez eux. » Dans ces circonstances, naturellement, il était inutile d'aller au château. Aussi les deux jeunes gens se promenèrent-ils dans le village. Ils examinèrent la vieille église et allèrent ensuite reconnaître les ruisseaux dans lesquels ils avaient l'intention de pêcher le lendemain, et par ces moyens trompèrent le temps jusqu'à 7 heures passées. Un quart d'heure après, ils retournèrent à l'auberge, s'accoudèrent sur la croisée ouverte et, allumant leurs cigares, contemplèrent le paysage tranquille qui était devant eux. On entend parler tous les jours de meurtres commis dans les campagnes, d'assassinats remplis de trahison et de barbarie, d'agonies obscures et prolongées, causée par le poison administré par la main de quelques proches parents, de morts soudaines et violentes, par de cruels coups donnés avec un bâton coupé à quelques chaînes dont l'ombrage ne promettait que le calme et la paix. Dans le comté dont je parle, on m'a montré une prairie où un jeune fermier, par une tranquille soirée d'un dimanche d'été, avait assassiné une fille qu'il avait aimée et s'était livrée à lui. Et même maintenant, avec la tâche de cette horrible action, l'aspect de ce lieu respire encore la paix. Il n'est pas de crime commis dans les plus mauvais lieux de Seven Dials qui n'ait été perpétré aussi en face de ce doux calme des champs pour lequel, malgré tout, nous avons un regard de tendresse, de sympathie à moitié triste, mais toujours accompagné de l'esprit de paix. Il était nuit lorsque gigues et chaises, dogcarts et lourds phaétons de fermiers commencèrent à rouler avec fracas dans les rues du village et sous les croisées de l'auberge du soleil. La nuit était plus noire encore lorsqu'une voiture découverte et attelée de 4 chevaux se rangea sous l'enseigne tremblante. C'était l'équipage de Sir Michael Audley, qui s'était arrêté subitement devant la petite auberge. Le harnais du cheval de volée était dérangé, et le premier postillon était descendu pour réparer l'accident. « Mais c'est mon oncle !» s'écria Robert, comme la voiture s'arrêtait. « Je vais descendre et lui parler. » George alluma un autre cigare, et abrité derrière les rideaux des croisées, regarda cette petite réunion de famille. Alicia était assise le dos tourné aux chevaux, et il put remarquer, même dans l'ombre, que c'était une belle brunette. Mais Lady Audley étant placée dans la voiture, du côté le plus éloigné de l'auberge, il ne put rien voir de cette merveille aux beaux cheveux dont il avait tant entendu parler. « Quoi, Robert ?» s'écria Sir Michael, comme son neveu sortait de l'auberge. « Voilà une surprise !»« Je ne suis pas venu pour aller chez vous, au château, mon cher oncle, » dit le jeune homme, tandis que le baronnet lui secouait la main cordialement. « Et c'est que c'est mon comté natal, vous le savez. Et à cette époque de l'année, j'ai ordinairement une atteinte de la maladie du pays. Aussi, George et moi sommes-nous descendus à l'auberge pour 2 ou 3 jours de pêche. George qui ? George Talboys. Ah ! Est-ce qu'il est venu ? » s'écria Alicia. « J'en suis enchantée, car je meurs d'envie de voir ce jeune et beau veuf. « Vraiment, Alicia ? » dit son cousin. « Eh bien alors, je cours vous le chercher. » « Vous le présentez à l'instant. » L'empire que Lady Audley, avec ses façons étourdies de jeune fille, avait gagné sur son idolâtre époux, était maintenant si complet qu'il était extrêmement rare que les yeux du baronnet fussent longtemps détournés de la jolie figure de sa femme. Aussi, lorsque Robert fut sur le point de rentrer dans l'auberge, il suffit à Lucie de relever ses sourcils avec une charmante expression d'ennui et de terreur pour apprendre à son mari qu'elle n'avait pas besoin d'être assommée par une présentation à M. George Talboys. « Non, pas ce soir, Bob, » dit-il. « Ma femme est un peu fatiguée après une longue journée de plaisir. Amenez votre ami demain à dîner, et alors Alicia et lui pourront faire une mutuelle connaissance. Faites le tour pour saluer Lady Audley, et nous rentrerons ensuite à la maison. » Milady était si horriblement fatiguée qu'elle ne put donner qu'un doux sourire et tendre une petite main gantée à son neveu par alliance. « Vous viendrez dîner demain avec nous ?»« Et vous nous amènerez votre intéressante amie ?» dit-elle d'une voix basse et brisée. Elle avait été le principal attrait des courses et était épuisée par les efforts qu'elle avait faits pour fasciner la moitié du comté. « Il est bien étonnant qu'elle ne vous ait pas accueilli avec son éternel éclat de rire, » chuchota Alicia en se penchant hors de la portière de la voiture pour souhaiter le bonsoir à Robert. « Mais soyez sûr qu'elle le réserve pour vous subjuguer demain. Je suppose que vous serez fasciné aussi bien que tout le monde, » ajouta la jeune demoiselle d'un ton un peu aigre. « C'est une délicieuse créature, certainement, » murmura Robert avec une admiration calme. « Oh, naturellement. Eh bien, voilà la première femme sur laquelle je vous ai jamais entendu dire un mot agréable. Robert, je suis fâché de voir que vous n'avez d'admiration que pour les poupées de cire. » La pauvre Alicia avait eu de nombreuses escarmouches avec son cousin à propos de ce tempérament particulier, qui, en lui permettant d'avancer dans la vie avec un contentement parfait et une jouissance tacite, défendait à ses sentiments une étincelle d'enthousiasme sur un sujet quelconque. « Quant à tomber amoureux de quelqu'un, » pensait quelquefois la jeune fille, « cette idée est trop absurde. Si toutes les divinités de la terre étaient rangées devant lui, attendant qu'il leur jette le mouchoir, il se contenterait de relever ses sourcils jusqu'au milieu du front et de leur dire de se le disputer. » Mais pour la première fois de sa vie, Robert était presque enthousiaste. « C'est la plus jolie petite créature que vous ayez jamais vue de votre vie, George, » s'écria-t-il, lorsque la voiture fut partie et qu'il eut rejoint son ami. Quels yeux bleus, quelles boucles, quel ravissant sourire et quelle coiffure de fée, un essaim frémissant de myosotis et de perles de rosée qui sortait d'un nuage de gaz, George Talboys. Je sens comme le héros d'une nouvelle française que je vais devenir amoureux de ma tante. » George se contenta de soupirer et de lancer une bouffée de son cigare par la croisée ouverte. Il pensait peut-être à ce temps éloigné, un peu plus de 5 ans dans le fait, mais qui lui paraissait un siècle, où il avait rencontré pour la première fois la femme pour laquelle il portait encore un crêpe autour de son chapeau 3 jours auparavant. Tous ses anciens souvenirs enfuis et non oubliés reparurent et se représentèrent à lui avec les lieux qui les avaient vus naître. Il se promenait encore avec les officiers ses camarades, sur la vieille jetée du port de mer où l'on prenait les eaux, écoutant l'insupportable musique du régiment avec son cornet, qui n'avait qu'une note et un demi-bémol. Il entendait encore ses vieux airs d'opéra, et la voyait venir vers lui d'un pas léger, appuyé sur le bras de son vieux père, et prétendant, avec une dissimulation si charmante, si délicieuse, et d'un sérieux si comique, qu'elle était tout entière à la musique, et complètement ignorante de l'admiration d'une demi-douzaine d'officiers de cavalerie qui la regardaient bouche béante. Elle revint à son esprit l'idée qu'il avait eue alors qu'elle était quelque chose de trop beau pour la terre ou pour la vie de ce monde, et que s'approcher d'elle était entrer dans une atmosphère supérieure et respirer un air plus pur. Depuis ce temps, elle avait été sa femme et la mère de son enfant. Elle reposait dans le petit cimetière de Ventnor. Il y avait seulement une année qu'il avait commandé pour elle une pierre tumulaire. Quelques larmes lentes et silencieuses coulèrent sur son gilet, comme il pensait à ces choses dans sa chambre paisible et sombre. Lady Audley était si fatiguée lorsqu'elle arriva à la maison qu'elle s'excusa de ne pouvoir assister au dîner et se retira tout de suite dans son cabinet de toilette, accompagnée par sa femme de chambre, Phoebe Marks. Elle était un peu capricieuse dans ses manières envers cette jeune femme de chambre, quelquefois très intime, quelquefois presque réservée, mais elle était une maîtresse généreuse, et la jeune fille avait toutes sortes de raisons pour être satisfaite de sa situation. Ce soir-là, malgré sa fatigue, Milady était en belle humeur et fit une description animée des courses et de la compagnie qui assistait. « Je n'en suis pas moins exténuée à mourir, Phoebe, » dit-elle. « J'ai bien peur de ressembler à quelque chose de très laid, après une journée passée sous un soleil brûlant. » 2 bougies étaient allumées de chaque côté de la glace devant laquelle Lady Audley se tenait en se déshabillant. Elle regarda en face sa femme de chambre en disant ces mots. Ses yeux bleus clairs et brillants et ses lèvres roses et enfantines étaient relevées par un malin sourire. « Vous êtes un peu pâle, milady, » répondit la jeune fille, « mais vous paraissez aussi jolie que jamais. »« C'est vrai, Phoebe, » dit-elle, se laissant tomber dans un fauteuil et jetant en arrière ses boucles à sa femme de chambre, qui se tenait debout, la brosse à la main, prête à ranger pour la nuit cette luxuriante chevelure. « Savez-vous, Phoebe, que j'ai entendu dire à quelques personnes que vous et moi, nous nous ressemblions ?»« Je l'ai entendu dire aussi, milady, » dit tranquillement la jeune fille. « Mais il faut être vraiment stupide pour dire pareille chose, car milady est une beauté et moi je suis une pauvre et ordinaire créature. »« Non, pas du tout, Phoebe, » dit magnifiquement la mignonne dame. « Vous me ressemblez, et vos traits sont très délicats. Ce sont seulement les couleurs qui vous manquent. Ma chevelure est d'un blond pâle avec des reflets d'or. Et le vôtre est châtain. Mes sourcils et mes cils sont ombrés de noir, les vôtres sont presque... Je voudrais ne pas le dire, mais ils sont presque blancs, ma chère Phoebe. Votre teint est blême et le mien est de carmin et de rose. Mais avec un flacon de teinture pour les cheveux, comme ceux que nous voyons annoncés dans les journaux, et un pot de rouge, vous aurez aussi bonne mine que moi, un de ces jours, Phoebe. » Elle continua ainsi de caqueter pendant longtemps, parlant de 100 sujets frivoles, et ridiculisant les gens qu'elle avait rencontrés aux courses pour amuser sa femme de chambre. Sa belle-fille vint dans le cabinet de toilette pour lui souhaiter une bonne nuit, et trouva servante et maîtresse riant aux éclats à propos des aventures du jour. Alicia, qui n'était jamais familière avec ses domestiques, s'éloigna, pleine de dégoût pour la frivolité de milady. « Continue de brosser mes cheveux, Phoebe, » disait Lady Audley, chaque fois que la jeune fille était sur le point de terminer sa besogne. « Je suis enchanté de causer avec toi. » À la fin, comme elle venait de renvoyer sa femme de chambre, elle la rappela subitement. « Phoebe Marx, » dit-elle, « j'ai besoin que tu me rendes un service. »« Oui, milady. » »« J'ai besoin que tu ailles à Londres par le premier train de demain matin, faire une petite commission pour moi. Tu pourras prendre un jour de congé ensuite, car je sais que tu as des amis dans la capitale, et je te donnerai un billet de 5 livres. Si tu exécutes ce que je veux, et garde le secret de tout cela pour toi seule. Oui, milady. Regarde si la porte est bien fermée, et viens t'asseoir sur ce tabouret à mes pieds. » La jeune fille obéit. Lady Audley caressa la chevelure incolore de sa femme de chambre avec sa main d'un blanc mat chargé de bagues, pendant qu'elle réfléchissait quelques instants. « Maintenant écoute-moi, Phoebe. Ce que je te demande de faire est très simple. » C'était si simple que ce fut dit en 5 minutes. Et alors Lady Audley se retira dans sa chambre à coucher et se blottit pudiquement sous son édredon. Frileuse et mignonne créature, elle aimait à s'ensevelir dans le satin et les fourrures. « Embrasse-moi, Phoebe, » dit-elle, comme la jeune fille arrangeait les rideaux. « J'entends le pas de Sir Michael dans l'antichambre. Tu le rencontreras en sortant d'ici, et tu pourras lui dire que tu pars par le premier train de demain matin pour aller chercher ma robe chez Madame Frédéric pour le dîner de Morton Abbey. » Il était tard dans la matinée lorsque Lady Audley descendit le lendemain pour déjeuner, 10 heures passées. Pendant qu'elle buvait à petits coups son café, un domestique lui apporta un paquet cacheté et un registre pour y apposer sa signature. « Une dépêche télégraphique ? » s'écria-t-elle, car le mot propre, télégramme, n'avait pas encore été inventé. « Quel peut en être le sujet ?» Elle leva les yeux sur son mari, la bouche ouverte, le regard terrifié, à moitié effrayée de briser le cachet. L'enveloppe portait l'adresse de Miss Lucy Graham, chez M. Dawson, et avait été renvoyée du village au château. « Lisez cela, ma chérie, » dit-il, « et ne vous alarmez pas. Ce ne peut être rien de bien important. » Cela venait de chez Mrs. Vincent, la maîtresse de pension à laquelle elle avait renvoyé pour les renseignements en entrant dans la famille de M. Dawson. Cette dame était dangereusement malade et suppliait son ancien élève de venir la voir. « Pauvre femme !» « Elle m'a toujours dit qu'elle me laisserait son argent, » dit Lucie, avec un douloureux sourire. « Elle n'a pas entendu parler de mon changement de fortune. »« Cher Sir Michael, je dois aller la trouver. »« Certainement, vous le devez, ma très chère amie. Si elle a été bonne pour ma pauvre petite dans son infortune, elle a le droit de ne jamais être oubliée pendant sa prospérité. »« Mettez votre chapeau, Lucie. Nous aurons le temps de prendre l'express. »« Vous venez avec moi ?»« Naturellement, ma chérie. Pouvez-vous supposer que je vous laisserai aller seule ?» « J'étais sûr que vous voudriez venir avec moi, » dit-elle d'un air pensif. « Votre amie vous envoie-t-elle une adresse ?»« Non, mais elle a toujours habité Crescent Villa, West Brompton, et sans aucun doute elle habite encore là. » Lady Audley eut seulement le temps de prendre précipitamment son chapeau et son châle, et elle entendit la voiture rouler devant la porte et Sir Michael l'appeler du bas de l'escalier. L'enfilade de ses chambres, comme je l'ai dit, qui débouchait l'une dans l'autre, finissait par une antichambre octogone tapissée de peinture à l'huile. Même dans sa précipitation, elle s'arrêta résolument à la porte de cette pièce, la ferma à double tour et glissa la clé dans sa poche. Cette porte, une fois fermée, coupait tout accès aux appartements de Milady.